الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons notre explication du livre Al-Wajiz fi fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz que l'on traduit par l'essentiel dans la compréhension du Coran et de la Sunna. La semaine dernière, on avait traité de plusieurs sujets. Le premier, que lorsque l'imam prie, celui qui prie avec lui, lorsqu'il est seul, doit se placer à sa droite. Quelle est la preuve de cela? Quelle est la preuve que celui qui prie seul avec l'imam doit se positionner à droite de cet imam, et non à gauche? Non? Hadith de qui? Quel compagnon? Hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, qui avait dormi chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé la nuit pour prier, il s'est positionné à sa gauche chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a pris par sa main et l'a placé à sa droite. Taïb, ensuite on avait parlé que lorsque ceux qui prient avec l'imam sont deux ou plus, ils doivent se positionner derrière l'imam. Quelle est la preuve? Non? Le hadith de Jabir. Il a prié, il est venu à sa gauche, il l'a tiré, il l'a mis à sa droite. Naam. Et un autre sahabi est venu. Naam. Zubair. Jabbar. Jabbar. Naam. Il est venu, il a prié à sa gauche. Et il les a priés les deux par les deux mains et il les a tirés vers lui. Ahsan. C'est le hadith de Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu qui dit qu'il avait prié avec le prophète alayhi sallatu wassalam, qui s'est positionné à sa gauche, le prophète sallallahu alayhi sallam l'a pris par sa main, l'a mis à sa droite. Puis Jabbar ibn Sakhr, un autre compagnon radiallahu anhu, est venu se mettre ou rejoindre Jabir radiallahu anhu dans sa prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est positionné à gauche de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il les a pris chacun par leurs mains et les a repoussés derrière lui. Donc c'est une preuve, les savants l'ont déduit, que lorsque les gens sont deux voire plus, ils doivent se positionner derrière l'imam. Ensuite on avait parlé de la femme lorsqu'elle prie avec un imam, qu'elle doit se positionner tout le temps derrière. Taïb. Ensuite, on avait parlé de l'obligation d'aligner les rangs pendant la prière. Quelle est la preuve que d'aligner les rangs pendant la prière est une obligation et non quelque chose de préférable ou de recommandé? Naam. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit istawu aw sawwu sufufakum fa inna taswiyata as-saffi min tamam as-salah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sawwu sufufakum, c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on avait dit que l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam signifiait l'obligation jusqu'à la preuve du contraire. Or il n'y a pas de preuve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui viendrait prouver le contraire de cela. Taïb, qu'est-ce qu'on avait dit également sur les règles ou les comportements à avoir pendant le rang? Comment est-ce que le rang doit-il être? Droit. Il doit être droit. Il doit être aligné, droit. Quelle est la preuve? Non? Il y avait un prophète, il disait que, il y a un sahabi, il disait que le prophète, il a mis l'ignorant de sorte comme si une personne allait mis la flèche de son arc. Non, Ahsan, c'est la parole d'un compagnon de Zawahan qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam alignait les rangs de ses compagnons pour qu'ils soient droits, comme l'un d'entre nous taillait le bâton de sa flèche pour qu'il soit droit. Car une flèche, pour qu'elle soit efficace, il faut que son support, le support de la pointe, c'est-à-dire le bois, doit être droit. Il ne doit pas être tordu, il ne doit pas être ondulé, il doit être droit. Et au temps du prophète sallam, il était connu que les gens qui préparaient leurs flèches insistaient sur ce bois et le taillaient de façon qu'il soit de la façon la plus droite possible et la plus parfaite possible. Et le prophète sallam alignait les rangs de ses compagnons de la même façon. Ensuite, le prophète sallam nous a ordonné aussi de fermer les espaces. Wasuddul khulal. Le prophète sallam a dit Aqimus sufuf wa hadhu bayn al manakib. Qu'est-ce que ça veut dire wahadu bayn al manakib? Et mettez vos épaules à la même position. Les épaules de chacun d'entre nous doivent être alignées. Wasuddul khulal. Et le prophète sallam nous ordonne de fermer les espaces. Walinu bi aidi ikhwanikum. Qu'est-ce que ça veut dire walinu bi aidi ikhwanikum? Soyez doux avec les mains de vos frères. Qu'est-ce que ça veut dire soyez doux avec les mains de vos frères? À part Bachir. Qui était là la semaine dernière? Non? Parce que à l'époque du prophète sur la semaine, les compagnons avaient l'habitude de tirer les frères, enfin les compagnons pour les rapprocher. Non, car le prophète sallam a dit soyez doux avec les mains de vos frères, c'est-à-dire de vos frères qui seraient amenés à utiliser leurs mains pour aligner les rangs, qui seraient amenés à poser leurs mains sur votre poitrine, sur vos épaules, etc., pour vous reculer ou pour vous avancer. On avait dit qu'au temps du prophète sallam, il y avait des personnes qui étaient désignées uniquement pour aligner les rangs. Ils étaient appelés au temps du prophète sallam al-musawoun. Et on avait donné l'exemple ou l'explication du hadith du prophète, du hadith des compagnons de l'Allah anhum, lorsque l'un d'entre eux a dit kunna nutradu 'ala as-sufufi bayna as-sawari tarda, nous étions repoussés des rangs qui étaient coupés par des poteaux fortement. Ils étaient repoussés par qui? Par justement ces compagnons de l'Allah anhum qui avaient pour charge d'aligner ou pour fonction d'aligner les rangs dans la mosquée. Taïb, ensuite le prophète sallam a dit et celui qui complète un rang ou qui le fait continuer, Allah subhanahu wa ta'ala lui le continuera, si on peut traduire comme ça. Et celui qui coupe un rang, Allah le coupera. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Le coupera de sa miséricorde. Et waman wasala safan wasalahu Allah wasalahu Allah yani bi rahmatihi. طيب. Ensuite, d'autres règles à respecter dans le rang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit rusu as-sufuf. Rusu sufufakum. Qu'est-ce que ça veut dire rusu sufufakum? Non? Serrez-vous et rapprochez-vous dans votre rang. C'est-à-dire que ceux qui prient dans le rang doivent se rapprocher entre eux. Ils doivent se coller, se serrer. Et le professeur Hassan a dit وَقَارِبُوا بَيْنَهَا. Qu'est-ce que ça veut dire? Et approcher les rangs entre eux. C'est-à-dire que les rangs ne doivent pas être éloignés les uns des autres. Et on avait dit que le premier rang qui ne devait pas être éloigné, c'était celui qui était derrière l'imam. Celui qui est derrière l'imam, le premier rang qui est juste derrière l'imam, ne sort pas de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit وَقَارِبُوا بَيْنَهَا. Les savants disent et approcher les rangs entre eux, rapprocher les rangs entre eux. Le premier rang qui doit être rapproché, c'est le premier qui doit être rapproché de l'imam. Puis le second qui doit être rapproché du premier et le troisième qui doit être rapproché du second, etc. etc. وَحَذُوا بِالْأَعْنَاقِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et alignez vos coups. Qu'est-ce que ça veut dire aligner vos coups? Non. Fermer de sens que lorsqu'une personne se met au bout du rang et qu'il observe l'alignement du rang, tous les coups doivent être alignés. Ahsant. Les coups doivent être alignés, de telle sorte que si une personne se positionne au bout d'un rang et qu'il regarde le cou de ceux qui prient, ils doivent être alignés. D'accord ? Il ne devrait pas y avoir de cou qui dépasse un autre. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Fawalladhi nafsi biyadih » et je jure par celui qui détient mon âme entre sa main, je vois le diable entrer « Bayna khalal as-saf » entre les espaces du rang, comme si c'était « Al-Hadaf » et on avait dit « Al-Hadaf » c'était un petit agneau ou un bovin noir. « Ghanamun sigharun sud » « Ghanamun » c'est Rarun Soud. Non ? Un ovin. J'ai quel tana ? Non, un ovin, Afwan. Bovin, c'est les vaches, les bœufs, etc. Un ovin, donc ça peut être une brebis, ça peut être une chèvre, etc. Taïb, comment aligner les rangs ? Qu'est-ce qu'on avait dit sur cela ? Quels sont les moyens qui nous permettent d'aligner les rangs et de savoir qu'un rang est aligné ? Non ? Les chevilles. Les chevilles doivent être, elles doivent être collées, mais elles doivent être à la même, sur la même ligne. D'accord ? Les chevilles doivent être sur la même ligne. Et quoi d'autre ? Les épaules. Les épaules doivent être alignées. Quoi d'autre ? Les coups, comme on a dit dans le hadith précédent. Et quoi d'autre ? Les genoux. Le professeur Asselin a aussi parlé des genoux, que les genoux doivent être aligné également. Tout ceci sont des moyens qui permettent à la personne, à l'imam entre autres, ou à ceux qu'il a désignés pour aligner les rangs, de savoir qu'un rang est aligné ou non. Taïb. Ensuite, on a parlé des rangs des hommes et des rangs des femmes. Qu'est-ce qu'on avait dit sur les mérites du rang des hommes et sur le mérite du rang des femmes ? Naam. Le meilleur des rangs pour les hommes, c'est les premiers. Naam. Et que les meilleurs des rangs pour les pires sont les derniers pour les hommes. Et pour les femmes, les pires sont les premiers et les meilleurs sont les derniers. Ahsante. On avait dit que le professeur Assalam avait dit que le meilleur des rangs des hommes, ce sont les premiers et les pires sont les derniers. Et les meilleurs des rangs pour les femmes sont les premiers. Et les pires sont les derniers. On avait expliqué cela car pour les femmes, plus elles s'éloignent des hommes et plus. Non ? On avait dit le meilleur des rangs pour les femmes sont les derniers et les pires sont les premiers. Afwan. Les meilleurs des rangs pour les femmes sont les derniers et les pires sont les premiers. On avait expliqué cela en disant que la femme, plus elle est éloignée des hommes, et mieux cela est pour elle. Et on avait dit que ce hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le pire des rangs pour les femmes est le premier, qu'il ne fallait pas le prendre dans sa totalité, dans sa généralité, dans sa globalité, et que cela devait être pris en considération lorsque la femme prie derrière les hommes. Mais si les femmes prient entre elles, alors s'applique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit non, un autre hadith. Il y a celui-là, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala as-saf al-awwal, mais il y a un autre hadith. S'il connaissait la valeur du premier rang et de l'adam, il ferait un tirage au sort. Donc ce hadith-là est général et s'applique aux femmes lorsqu'elles sont entre elles. Ensuite, on avait parlé du mérite des premiers rangs. On avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala as-sufuf al-awwal » qu'Allah et ses anges prient. On avait expliqué le terme prier, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de ceux sur qui il prie. Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de ceux qui prient dans les premiers rangs. Et on avait expliqué la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ont donné les savants sur « as-sufuf al-awwal » « ala as-sufuf al-awwal » Qu'est-ce que ça veut dire les premiers rangs ? Il y avait deux significations. À part Bachir. Non ? C'est-à-dire tous les premiers rangs de plusieurs mosquées, de différents groupes de. Non, donc la première explication c'était à la Sofou fil Ouel sur les premiers rangs, c'est-à-dire sur. le premier rang de chaque mosquée, ou le premier rang de chaque jama'a, de chaque groupe qui prie. Et la deuxième explication, c'est c'est tous les rangs sauf le dernier. Tous les rangs sauf le dernier sont considérés comme les rangs de devant. Et le dernier, ceux qui prient dans le dernier rang n'ont pas ce mérite qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse ses éloges dans les cieux. Ensuite, on avait parlé de qui devait se positionner derrière l'imam. On avait cité le hadith du professeur Hassan qui dit que se positionne derrière moi ceux qui sont pubères et qui sont doués de raison. Ceux qui sont pubères et doués de raison. Comment reconnaît-on une personne pubère ? Par rapport au poil du pubis. Par rapport au poil du pubis. À l'âge qui est de 15 ans. La moustache s'invente avec l'apparition des poils du pubis, la moustache pour les hommes. On avait dit qu'il y avait trois façons, trois moyens de distinguer. Le premier, khuruj al-mani, bishahwa, la sortie du sperme avec sensation de plaisir. Et ceci, les savants ont dit, les rijali wal-nisa, pour les hommes et pour les femmes. Le second, l'apparition de poils dans le pubis, et pour les hommes, l'apparition des poils de la moustache. Le troisième, l'âge de 15 ans. L'âge de 15 ans. Et les savants ont donné un quatrième signe ou moyen de reconnaissance qui est propre et spécifique aux femmes, qui est l'apparition des monstres. Pourquoi est-ce que le professeur Hassan a dit « Ulul ahlami wa nuha » D'où vient le terme « nuha » qui vient du mot « nuhiya » qui signifie On avait dit, les savants ont dit que nuha c'est le pluriel de nuhiya, et nuhiya signifie la raison, car la raison empêche et interdit la personne de faire des choses détestables. Taïb. Ensuite, on avait parlé qu'il était détestable de prier dans un rang qui était coupé par des piliers, des poteaux. On avait cité le hadith de Muawiyah ibn Qurrah, selon son père, qui dit « Kunna nunha anna suffa bayna sawari ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa nutradu anha tarda » Nous étions, on nous interdisait de faire des rangs entre les piliers au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous étions repoussés de ces rangs fortement. Et on avait dit que il était autorisé à une personne seule de prier entre deux poteaux. D'accord ? Que ce qui était interdit, c'était de prier dans un rang coupé par un poteau, mais qu'une personne était autorisée, lorsqu'elle prie seule, de prier entre deux poteaux. On avait cité la preuve sur cela lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié dans l'enceinte de la Kaaba, et que Bilal radiallahu anhu a vu le professeur Hassan prier entre deux piliers. Taïb. Ensuite, on avait parlé des excuses qui permettent ou qui autorisent à la personne de ne pas assister à la prière en groupe. La première est al-bardu al-matar, le froid et la pluie. Quelle est la preuve ? Le hadith d'Ibn Omar. Quand il a fait l'adhan. Le jour où il faisait très froid, il y avait du vent. Naam. Il a dit, au lieu de dire Hayya la salat, il a dit Ala wa sallu fi rihalikum. Naam. Ala sallu fi rihal. Naam. Ahsant. C'est le hadith d'Ibn Omar radiallahu anhu qui, pendant une nuit où il y avait du froid et du vent, a dit à la place de Hayya ala salah, dans son appel à la prière, ala sallu fi rihal, priez chez vous, priez chez vous. Les savants ont déduit qu'il était autorisé de ne pas se rendre à la mosquée par temps de pluie et de froid, de grand froid. Une autre cause ou une autre excuse qui est acceptée pour ne pas se rendre à la mosquée, c'est une fois que le repas est servi. Une fois que le repas est servi, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Idha wudri'a 'asha'u ahadikum وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. Lorsque le repas est posé, alors et que la prière est appelée, alors commencez par le repas et ne vous précipitez pas jusqu'à en avoir terminé. Et on avait cité aussi que Ibn Omar radiallahu anhu, le repas était posé, qu'il le mangeait alors qu'il entendait la lecture, il a entendu l'adhan et puis la lecture de l'imam pendant sa prière, et cela ne l'a pas précipité pour se rendre à la mosquée. Ensuite, on avait cité la dernière cause, qui est lorsque la personne est poussée des deux orifices. Lorsque la personne est poussée des deux orifices, cela lui permet et lui autorise de ne pas se rendre à la mosquée pour assister à la prière en groupe. طيب يقول المؤلف صلاة المسافر, la prière du voyageur. والقصر واجب على المسافر في الظهر والعصر والعشاء. نعم. نعم. نعم. La quatrième cause, lorsque la personne est poussée des deux orifices, c'est-à-dire lorsqu'il a envie d'uriner ou de faire des excréments et qu'il se retient, et que le fait qu'il se retienne, yani, le déconcentre et l'empêche de faire sa prière correctement. Le professeur Hassan m'a dit la salata bi hadrati ta'am wa la wa huwa yudafi'uhu al-akhbadan, et il n'est pas légiféré de faire la prière, qu'une personne fasse sa prière dans cet état lorsqu'il a des envies pressantes. Wafika. طيب صلاة المسافر والقصر واجب على المسافر في الظهر والعصر والعشاء. قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. Donc l'auteur parle maintenant de la prière du voyageur. Il dit والقصر, la réduction, واجب, est obligatoire pour le voyageur pendant la prière de الظهر, de l'Asr et de l'Isha. Pendant la prière du Dohr, la prière du Asr et la prière de l'Isha. Et quand on parle de réduction, c'est-à-dire passer de 4 à 2. Autrement dit, il y a des prières qui ne sont pas réduites, qui sont celles de l'Fajr, qui reste 2, et la prière du Maghrib, qui reste toujours au nombre de 3. Ici, l'auteur dit « والقصر واجب ». La réduction est une obligation. Donc l'auteur considère que de réduire sa prière pour le voyageur est une obligation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les savants, rahimahumullah, disent que la réduction est permise aux voyageurs qui ne voyagent pas pour faire un péché. Les savants disent, parmi le Cheikh Ibn Uthaymin, le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et d'autres, comme l'imam al-Nawawi rahimahullah, disent qu'il n'est pas légiféré pour celui qui voyage pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Safarul ma'asiyah la yajouzu fihi al-qasr. Pourquoi? Car c'est une aumône qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour ses serviteurs. C'est une dérogation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à ses serviteurs pour qu'ils l'utilisent dans le bien. Et à partir du moment où ses serviteurs seraient amenés à utiliser cette faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire un mal, il ne lui est pas autorisé de l'utiliser. Et c'est la vie le plus sûre, wallahu a'lam. Donc lorsque l'on parle de diminution dans un voyage, c'est un voyage qui ne comporte pas de désobéissance. Une personne voyage sans désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la preuve qu'il est autorisé de réduire sa prière en état de voyage? La preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Et quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous, ou il n'y a pas de mal pour vous de raccourcir de la salat, de la prière, si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve. On comprend de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, et lorsque vous parcourez la terre, c'est-à-dire lorsque vous voyagez et que vous êtes amené à parcourir la terre, ce n'est pas un mal pour vous de raccourcir de la prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala a restreint dans ce verset, a dit qu'il n'y a pas de mal pour vous de réduire votre prière si vous avez peur que les mécréants ne vous fassent du mal. Autrement dit, celui qui voyage sans avoir peur, est-ce qu'il lui est autorisé de raccourcir sa prière? Non. Si on lit ce verset, non. Justement, cette question, Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu se l'est posée. Et il l'a posée par la suite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن يعلى بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية فقال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته حديث صحيح رواه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي. Selon Ya'la ibn Umayyah, il dit qu'il a demandé à Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu au sujet de ce verset. Il lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « In khiftum an yaftinakumul ladhina kafaru » Si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve. Et Ya'la ibn Umayyah a dit à Omar ibn al-Khattab, « Faqad amin al-nas » Maintenant les gens sont en sécurité, sont en paix. Et Omar al-Khattab lui a répondu, je me suis posé la question comme tu t'es posée et j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ceci et il m'a répondu, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaykum faqbalu sadaqatah. C'est une aumône qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé, acceptez cette aumône de lui, acceptez son aumône, acceptez l'aumône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la preuve dans ce hadith qu'il est obligatoire de réduire sa prière en état de voyage? Non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faqbalu sadaqata. Et les savants ont dit wahada lil wujub. Wahada lil wujub. À la kulli hal, il y a une divergence des savants sur la réduction de la prière. Certains savants disent que c'est une sunna fortement recommandée. Et d'autres savants disent que de la réduction de la prière est une obligation et c'est la vie le plus sûr, wallahu a'lam. Wa an ibn Abbas qala faradallahu as-salata 'ala lisan nabiyyikum fi al-hadar arba'an wa fi as-safar rak'atayn wa fi al-khawf rak'ah. Hadith sahih rawahu Muslim wa Abu Daoud wa ghayruh. Et selon Ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit Allah subhanahu wa ta'ala a décrété ou a décrit ou a prescrit la prière par la bouche de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque vous êtes résident de 4, lorsque vous êtes en voyage de 2 et lorsque vous êtes en état de peur de 1. De 4 rak'at en étant résident, de 2 rak'at en étant en état de voyage et de 1 rak'at en état de peur, autrement dit fi halat al-harb, pendant la guerre, comme on avait vu que pendant la prière du combat, salat al-khawf, la prière de la peur pendant le combat, il y a plusieurs façons rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi ces façons il y a le fait de ne prier qu'une seule raka'a. La preuve dans la parole de Ibn Abbas radiallahu anhu, c'est sa parole qu'il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faradallahu, Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit, autrement dit il a rendu obligatoire. وعن عمر قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه النسائي وابن ماجه. Et son Omar رضي الله عنه, il dit, la prière du voyage est de 2 rak'at, la prière de l'jumu'a est de 2 rak'at, la prière de l'fitr et de l'adha, des deux fêtes, sont de 2 rak'at, elles sont complètes et non réduites à la lisan Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh l'Albani rahimahullah, après avoir cité ce hadith, il dit, et ce qui prouve que la prière du voyageur est une obligation, c'est que la prière du voyageur n'est pas réduite, elle est à la base de deux rak'at. Comme Al-Jumu'ah n'est pas une prière réduite, c'est une prière qui est à la base de deux rak'at. Comme les deux prières des fêtes, ce ne sont pas des prières qui sont réduites, car elles sont à la base de deux rak'at. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné ou lui a prescrit des prières pendant la nuit de l'ascension, elles ont été prescrites comme étant réduites. On verra dans le hadith suivant, elles ont été réduites. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier à Dhuha, combien de rak'at? Deux rak'at. Et à l'Asr, deux rak'at. Et c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'émigration à Médine que ses prières ont été ajoutées et sont passées de 2 à 4. Naam. Wa an Aisha qalat as-salatu awwalu ma furidat rak'atayn fa uqirrat salatu as-safar wa utimmat salatu al-hadar. Hadith sahih muttafaqun alayh. Quelle est la preuve de cela? C'est la parole de Aisha radhiyallahu anha qui dit: la prière au début a été rendu obligatoire, il a été rendu obligatoire de s'acquitter de deux rak'at. Fa'uqirrat fi salati safar. Et elle a persisté ou elle est restée ainsi pour la prière du voyageur. Wa utimmat salatul hadar. Et la prière du résident a été complétée, c'est-à-dire qu'elle a été rajoutée de deux rak'at pour les prières de Dhuha et de Al-Asr et de Al-Isha. Donc tout cela nous prouve que de réduire ses prières pour le voyageur, ce n'est pas seulement une chose qui lui est demandée, mais c'est une chose obligatoire selon l'avis le plus sûr des savants. Wallahu a'lam. Wa an ibn Umar qala sahibtu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fi safari falam yazid ala rak'atayn hatta qabidahu Allah wa sahibtu Aba Bakr falam yazid ala rak'atayn hatta qabidahu Allah أو حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حديث متفق عليه. اسم ابن عمر رضي الله عنه الجي جي accompagné le prophète صلى الله عليه وسلم pendant son voyage, il n'a pas ajouté, il n'a pas prié plus de deux rak'at jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les prie, c'est-à-dire jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait quitté ce monde. Puis j'ai côtoyé Aba Bakr, il n'a pas ajouté plus de deux rak'at, c'est-à-dire pendant le voyage, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le prenne. Et j'ai côtoyé Omar, il n'a pas ajouté plus de deux rak'at dans son voyage jusqu'à ce qu'il soit mort. Puis j'ai côtoyé Uthman radiallahu anhu et il n'a pas ajouté plus de deux rak'at pendant son voyage jusqu'à avoir quitté ce monde. Et ensuite وقد قال الله ابن عمر رضي الله عنه a dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Il y a dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des exemples. La parole d'Ibn Umar radiallahu anhu est vraie, sauf pour Uthman radiallahu anhu. Uthman radiallahu anhu, on avait déjà parlé de ce sujet, lorsqu'il était à Minan, il priait les prières complètes, de 4 rak'at. Et les compagnons l'ont repris sur cela, parmi eux Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, mais cela ne les a pas empêchés de prier derrière Uthman radiallahu anhu 4 rak'at. Pourquoi? Car ils considéraient que la divergence était un mal. Que la divergence était un mal. Et les savants l'ont déduit entre autres qu'une personne qui était voyageur, qui priait derrière un imam résident, doit prier la prière de cet imam et de ne pas le contredire. De ne pas aller à son encontre, car la divergence et la division en islam, c'est un mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-khilafu shar » La divergence et la division est un mal. Et le hadith que prétendent beaucoup de personnes, khilaf ummati rahma, la divergence de ma communauté est une miséricorde, c'est un hadith mawdou', c'est un hadith mensonger. Le professeur sallam n'a jamais dit cela. D'accord? Et les savants, justement qui considèrent que la réduction est une sunna fortement recommandée, utilisent justement ce fait de Uthman radiallahu anhu qui a pris 4 raka'at à Minan. Ils disent Uthman radiallahu anhu fait partie des khulafa al-rashidin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin. Donc c'est parmi les preuves des savants qui considèrent que la réduction de la prière pour le voyageur est fortement recommandée, c'est ce fait de Uthman radiallahu anhu. Tayyib, masafatul qasr, la distance. Non. Pourquoi t'as dit c'est pas vrai le hadith? Yani Omar ibn Omar radiallahu anhu a dit de ce qu'il sait, a dit qu'il a côtoyé Uthman radiallahu anhu. Est-ce qu'il a côtoyé tout le temps? Il l'a côtoyé tout le temps? Il ne l'a pas côtoyé tout le temps. La preuve, c'est que Aminan Uthman radiallahu anhu a prié 4 raka'at. Donc Ibn Umar radiallahu anhu parle de ce qu'il sait. Mais il y a d'autres compagnons radiallahu anhu qui nous ont rapporté un autre fait de Uthman radiallahu anhu, qu'il a fait sa prière alors qu'il était en voyage en 4 raka'at. D'accord? Donc d'où ma parole lorsque j'ai dit que Ibn Umar radiallahu anhu a dit vrai dans ce qu'il a dit, sauf pour Uthman radiallahu anhu, car il a été rapporté que Uthman radiallahu anhu lui a prié 4 raka'at. Wallahu a'lam. La distance qui autorise ou qui permet de réduire la prière. Masafatul qasr. Ikhtalafa al-ulama fi tahdid al-masafati allati tuqsar fiha as-salah ikhtilafan kathira. حتى نقل ابن المنذر وغيره في هذه المسألة أكثر من 20 قولا والراجح أنه لا حد لذلك أصلا إلا ما سمي سفرا في لغة العرب التي بها خاطبهم عليه السلام إذ لو كان المقدار السفر حد غير ما ذكرنا لما أغفل عليه السلام بيانه البته ولا أغفلهم سؤاله عليه السلام عنه ولا اتفقوا على ترك نقل تحديده في ذلك إلينا. C'est la parole de Ibn Hazm, Muhaddam Kalam Ibn Hazm, rahimahullah, fi kitab Ibn Muhalla. Donc l'auteur rapporte une parole de l'imam Ibn Hazm dans son livre Al-Muhalla qui dit: les savants ont divergé sur fi tahdidi, sur la délimitation de la distance par laquelle il est autorisé de réduire sa prière. Ils ont beaucoup divergé sur cela, et au point que Al-Imam Ibn al-Mundhir et autres que lui ont rapporté à ce sujet plus de 20 avis. Plus de 20 avis. Certains savants disent c'est la distance parcourue en un jour et une nuit. D'autres savants ont dit c'est la distance qui est parcourue en 3 jours et 3 nuits. D'autres savants ont dit que c'est que lorsque tu pars de chez toi et que tu sais que tu seras de retour le soir, quelle que soit la distance que tu auras parcourue, tu ne seras pas considéré comme voyageur. Des avis qui sont très nombreux et qui dépassent le nombre de 20. Et l'imam Ibn Hazm rahimahullah a dit wa rajih, est l'avis le plus sûr, qu'il n'y a pas de délimitation à ce sujet. La hadda li dhalika asla, sauf ce qui est appelé en langue arabe comme étant un voyage. إذ لو كان المقدار إذ لو كان لمقدار السفر حد غير ما ذكرنا لما أغفل عليه السلام بيانه البتة. Car s'il y avait une délimitation, si cette distance était connue au temps du prophète صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم n'aurait pas manqué de la définir. Et ses compagnons radhiyallahu anhum n'auraient pas manqué de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est cette distance qui nous permet de connaître ou qui nous permet de réduire nos prières en état de voyage. Donc l'avis le plus sûr, Allahu a'lam, c'est qu'il n'y a pas de délimitation bien précise. C'est ce qui est connu des gens. Comme cela est l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et l'avis de Cheikh l'Albani et d'autres, c'est que la distance qui, lorsqu'elle est parcourue, la personne est considérée comme étant voyageur et par là même lui autorise de réduire sa prière, c'est ce qui est connu chez les gens comme étant un voyage. C'est ce qui est connu chez les gens comme étant un voyage. Et ce qui est connu chez les gens peut diverger d'un pays à un autre. Il y a des distances qui peuvent être parcourues dans des pays qui sont considérés comme un voyage, et dans d'autres pays ne sont pas considérés comme un voyage. Et cette distance peut être courte comme elle peut être grande. D'accord ? Et beaucoup disent que Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah est de l'avis que la distance qui permet à la personne de savoir qu'elle a un voyage ou non est de 80 km. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dit cela, mais il dit quelque chose avant. Il dit que l'avis de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah est la vérité. L'avis de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah est la vérité. Huwa sawab. C'est-à-dire que la distance est ce qui est connu chez les gens. Mais Cheikh Ibn Uthaymeen, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais si ce qui est connu des gens ne permet pas à la personne de connaître si cette distance est considérée comme un voyage ou non. Car il y a peut-être des destinations où les gens, il n'y a pas de choses connues chez les gens comme pour définir cette destination. Dans ce cas, qu'est-ce que la personne doit faire? Dans ce cas-là, Cheikh Ibn Uthaymeen dit, dans ce cas, lorsque ce qui est connu des gens n'est pas connu justement, ou n'a pas été défini, que les gens n'ont pas de position sur cette distance, alors il doit prendre l'avis qui limite à 80 km. Et pourquoi les savants, certains savants ont délimité sur la 80 km? Car ils ont calculé et ils ont vu que c'est la distance qui est parcourue à peu près en un jour et une nuit. Car dans des hadiths, il y a un jour et une nuit. Et les savants ont délimité cela à peu près 80 km. Comme le dit Cheikh Ibn Uthaymeen, comme le dit également Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Mais il faut d'abord prendre en considération ce qui est connu des gens. D'accord? Par exemple, nous qui sommes ici à Paris, quelqu'un qui va à Orléans, est-ce que c'est un voyageur ou pas? C'est un voyageur ou pas? Pourquoi ça dépend? Si c'est connu comme un voyage. Justement, c'est ce que je demande. Est-ce que c'est connu comme un voyage celui qui va à Orléans? Celui qui va à Bordeaux? Celui qui va à Évreux? Celui qui va à Évreux, c'est connu comme un voyage ou pas? Il y a plus de 100 km, je sais, mais est-ce que c'est considéré comme un voyage chez nous? Celui qui va à Évreux, est-ce qu'on dit, ouais, il est parti en voyage? Non, il est parti à Évreux, c'est une distance qui est longue, mais chez nous, ici, c'est pas considéré comme un voyage. D'accord? Ainsi de suite. Donc, le moyen de connaître, c'est ce qui est connu des gens, ce que les gens savent et connaissent entre eux. Taïb. Il y a une mas'ala pour le Hajj. Ceux qui sont des habitants de la Mecque, d'accord, lorsqu'ils vont à Minan, est-ce qu'ils doivent prier la prière en 2 rak'at ou non? Est-ce qu'ils doivent faire le qasr ou non? Ils font le qasr ou non? Non. À Minan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié les prières 2 rak'at, qasran wa jam'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Minan raccourcissait ses prières et les rassemblait. Et les savants disent que ceux qui sont à la Mecque et qui assistent au rite du Hajj, du pèlerinage, doivent eux aussi prier des prières raccourcies et des prières rassemblées. Ils disent, et ceci car c'est la période du Hajj. Ceci car c'est la période du Hajj. Et comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, et s'ils se rendent à Minan en dehors de la période du Hajj, alors ils doivent compléter leur prière. C'est l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il dit, les gens de la Mecque, lorsqu'ils se rendent à Minan pendant la période du Hajj, ils doivent prier des prières raccourcies. Mais s'ils s'y rendent en dehors de la période du Hajj, alors ils doivent la prier entièrement de 4 rak'at. طيب الموضع الذي يقصر منه ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد وأن ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها. قال ابن المنذر ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة. وقال أنس صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2. À partir de quel moment est-ce que la personne doit réduire et diminuer sa prière? Il est rapporté dans Fiqh Sunnah de Sayyid Sabiq, il dit: la plupart des savants considèrent que le fait de diminuer sa prière est légiféré à partir du moment où la personne quitte l'endroit où il réside. Il quitte sa ville et que cela est une condition. C'est une condition. Donc, lorsque tu t'apprêtes à voyager, tu n'es pas autorisé à réduire tes prières tant que tu es dans la ville, dans ta ville où tu résides. Il faut quitter ta ville, même si tu la quittes de quelques mètres, de quelques kilomètres, à partir de ce moment, il t'est autorisé de réduire ta prière. Car certains, et beaucoup pensent, qu'il ne t'est autorisé de réduire ta prière qu'à partir du moment où tu as dépassé la distance minimum. Cela est faux. Lorsque tu as l'intention de voyager, eh bien, il t'est autorisé de réduire ta prière à partir du moment où tu quittes la ville où tu résides. وَلَا يُتِمُّ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلَ بُيُوتِهَا. Et quand est-ce qu'il complétera ses prières lors de son retour? Lorsqu'il entre dans sa ville. Et ce n'est pas lorsqu'il la voit, c'est lorsqu'il y entre. Comme cela a été rapporté par Ali radiallahu anhu, lorsqu'il est retourné à Al-Kufa, en Irak, il s'est arrêté avant la ville et a prié en raccourcissant ses prières. Et ceux qui étaient avec lui ont dit: mais la ville de Kufa est là. Et il leur a répondu, radiallahu anhu, inna ma dakhalna fiha, aw kama qal. Nous n'y sommes pas encore rentrés. Nous n'y sommes pas encore entrés. D'où la parole de l'auteur lorsqu'il dit: wala yutimu hatta yadkhula awwala buyutiha, jusqu'à ce qu'il entre dans sa ville, qu'il y soit présent physiquement. Qala ibn al-Mundhir, Ibn al-Mundhir a dit: et je ne connais du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a réduit, wala a'lamu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qasara fi safari min asfarihi illa ba'da khurujihi min al-Madinah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a réduit ses prières pendant son voyage que lorsqu'il a quitté Médine. Et Anas radiallahu anhu a dit: j'ai prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prière de Dhuhr 4 rak'at wa bi dhil Hulayfa rak'atayn. J'ai prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prière de Dhuhr à Médine de 4 rak'at wa bi dhil Hulayfa. Dhil Hulayfa qui est al-miqat, connu miqat ou ahli al-Madina. C'est le point des gens de Médine lorsqu'ils pour être en état de ihram, en état de sacralisation. Ceux qui, parmi les gens de Médine et les gens de Chem, de la région du Chem, lorsqu'ils veulent se rendre à la Mecque et passer en état de sacralisation, leur miqat c'est Dhul Hulayfa. C'est Dhul Hulayfa, donc ils font l'ihram dans ce miqat, et ceux qui le dépassent sans être en état de sacralisation doivent retourner. D'accord? Et Dhul Hulayfa, c'est un endroit qui est proche de Médine, qui est à peu près à 5 km de Médine. Et Anas a dit qu'il avait prié avec le prophète sallam la prière de Dhuhr à Médine de 4 rak'at, et à Dhul Hulayfa il a prié rak'atayn, autrement dit il a prié la prière de Al-Asr, qu'il a prié la prière de Al-Asr à Dhul Hulayfa de 2 rak'at. طيب المسافر إذا أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة يقصر حتى يخرج. Le voyageur, lorsqu'il réside ou lorsqu'il stationne dans un endroit pour finir une affaire et qu'il ne pense pas y résider, il doit alors réduire sa prière jusqu'à ce qu'il sorte, jusqu'à ce qu'il reparte. An Jabir قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. Hadith صحيح رواه أبو داود. Autrement dit, l'auteur a dit que celui qui voyage pour une affaire et qu'il se rend dans un pays dont il n'a pas l'intention de résider et qu'il reste dans ce pays ou dans cet endroit tant que son affaire n'est pas terminée. Et son affaire peut se terminer du jour au lendemain. D'accord ? Et ici, l'auteur dit qu'il doit réduire sa prière tant qu'il est là-bas, tant que son affaire n'est pas résolue ou n'est pas finie, jusqu'à ce qu'il sorte. La preuve est le hadith de Jabir, radiallahu anhu, qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a stationné à Tabouk 20 jours, yaqsuru salah. Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est resté à Tabouk 20 jours et il réduisait sa prière. Hadith authentique, rapporté par Abu Daoud. Wa qala ibn al-Qayyim, ولم يقل صلى الله عليه وسلم للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك ولكن اتفق إقامته هذه المدة كما في فقه السنة. ابن القيم رحمه الله dit, et le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas dit à sa communauté de ne pas réduire sa prière s'il reste plus que cela. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté ce laps de temps car c'était ce laps de temps qui lui était nécessaire. Autrement dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit resté à Tabouk 20 jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit si vous restez plus de 20 jours, alors terminez ou complétez vos prières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit cela. Il est resté 20 jours car c'était les jours qui lui étaient nécessaires à Tabouk. C'est ce que veut dire الإمام ابن القيم رحمه الله. فإن عزم أنصت وترجي فإن عزم الإقامة أتم بعد 19 كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. Hadith sahih, rawahu al-Bukhari wa al-Tirmidhi. Et l'auteur dit, et si la personne reste plus de 19 jours, il doit compléter sa prière. Il doit compléter ses prières. Comme le dit Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'a agréé, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 19 jours en réduisant sa prière. Ibn Abbas dit, donc ça c'est la parole de Abdullah ibn Abbas, et nous, lorsque nous voyagions plus de 19 jours, ou 19 jours, nous réduisions nos prières. Et si nous restions plus que 19 jours, alors nous complétions nos prières. Ça c'est la parole d'Ibn Abbas, radiallahu anhu. Et il y a à ce sujet une divergence des savants. À ce sujet, il y a une divergence des savants. Le premier avis, ou la première situation, lorsque la personne voyage pour une chose, pour une affaire, les savants sont d'accord sur le fait que cette personne réduit ses prières jusqu'à ce que son affaire soit terminée. Jusqu'à ce que son affaire soit terminée, même s'il est amené à rester des années. Et s'il voyage et sait qu'il va rester un laps de temps bien défini dans l'endroit où il va voyager, là il y a une divergence des savants. Certains savants ont dit s'il reste plus de 4 jours, il doit compléter ses prières. D'autres ont dit s'il reste plus que 15 jours, il doit compléter ses prières. D'autres ont dit s'il reste plus de 19 jours, il doit compléter ses prières. D'autres ont dit s'il reste plus de 20 jours, il doit compléter ses prières. Et l'avis le plus sûr, wallahu a'lam, c'est qu'il n'y a pas de délimitation à cela. Comme le dit Cheikh l'Albani, rahimahullah ta'ala. Et sa preuve de Cheikh l'Albani, rahimahullah, c'est que Ibn Umar, radiallahu anhu, lorsqu'il était à Adribijan, il était bloqué par la neige. Et il est resté 6 mois en réduisant ses prières. Il est resté 6 mois en réduisant ses prières. Et Cheikh l'Albani, rahimahullah, dit, lorsque la personne voyage vers un endroit et qu'elle connaît la durée de son voyage ou de son stationnement dans cet endroit, il lui est autorisé de réduire sa prière. Car il n'a pas l'intention d'habiter dans cet endroit. La yanoui l'istiqrar. La yanoui l'istiqrar. Cheikh Al-Albani dit, à partir du moment où tu voyages d'un endroit à un autre et que tu te rends dans cet endroit sans avoir l'intention de t'y installer et d'y vivre et d'y travailler, alors tu es en état de voyage, même si tu y restes un mois, deux mois, trois mois, etc. D'accord ? Sauf dans un cas où lorsque tu voyages d'un endroit à un autre et que dans cet autre endroit tu n'es pas considéré comme étant voyageur. Quand par exemple, pour ceux qui ont une maison par exemple en Maroc ou en Algérie, tu pars de ta maison ici et tu vas dans ta maison au Maroc. Est-ce que toi, lorsque tu es dans ta maison au Maroc, est-ce que tu te considères comme étant voyageur? Tu ne te considères pas comme étant voyageur. Si par exemple, tu pars par exemple à la Mecque, tu as un voyage d'un mois pour faire une Umrah, là-bas, est-ce que tu te sens comme étant voyageur? Oui, tu te sens comme étant voyageur. Contrairement à lorsque tu vas au Maroc chez toi, c'est ta maison. C'est un environnement que tu connais, qui ne t'est pas étrange. D'accord ? Donc, tu n'es plus, tu te sens toi-même, tu ne te sens pas considéré comme étant voyageur. Et c'est pour cela que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, ce qui a été questionné sur cela, il dit lorsqu'il allait à la Mecque, et qu'il allait, car Cheikh Al-Albani avait une fille qui habite à la Mecque, lorsqu'il allait à la Mecque, il allait rendre visite chez sa fille, ou il descendait chez sa fille, et Cheikh Al-Albani dit « Okuntu utim » Je faisais ma prière complète. Car il était chez sa fille. Il ne se considérait pas comme étant voyageur. Vous avez saisi ? Oui. Ça, c'est la vie le plus sûr, Wallahu a'lam. Al-jam'u bayna salatayni. Le rassemblement entre deux prières. Asbabuhu. Quelles sont les causes qui autorisent à la personne de rassembler ses prières ? Al-safar. Awalan al-safar. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب حديث صح حديث متفق عليه. La première cause qui autorise à la personne de rassembler ses prières, c'est le voyage. La preuve, c'est le hadith de Anas qui dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam partait en voyage avant que le soleil ne dépasse le zénith, il retardait la prière du dhuhr jusqu'à la prière du asr. Thumma nazal fajam'a baynahuma. Et lorsqu'il s'arrêtait, il rassemblait les deux prières. Autrement dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyageait avant la prière du dhuhr, lorsqu'il s'arrêtait à l'heure de l'Asr, il rassemblait al-Dhuhr et al-Asr à l'heure de l'Asr. فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلْ صَلَّ الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبْ. Et lorsque le soleil avait dépassé son zénith, autrement dit lorsque l'heure de Dhuhr était entrée et que le prophète sallallahu alayhi wa avait l'intention de voyager, il priait d'abord al-Dhuhr puis voyageait. Autrement dit, on a déduit de ce hadith qu'il est autorisé de faire jam' al-ta'khir, qu'il est autorisé de faire le rassemblement, si on peut traduire comme ça, retardé. C'est-à-dire que tu retardes une prière pour la rassembler avec la prière suivante. Autrement dit, ici, le professeur Hassan a retardé la prière de Dhuhr pour la prier à l'heure de l'Asr. Autrement dit, il a fait jam' al-ta'khir, ce que les savants appellent jam' al-ta'khir. وعن معاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. Et selon Mu'ad ibn Jabir radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était pendant la bataille de Tabouk, lorsqu'il voyageait avant le zénith, il reculait ou il retardait la prière de Dohr jusqu'à la rassembler, jusqu'à l'heure de l'Asr, puis les prier ensemble. Donc pendant, lorsque le prophète Sarasim était à Tabouk et qu'il voyageait, lorsqu'il s'apprêtait à partir avant que le soleil n'atteigne le zénith, avant que le soleil ne dépasse le zénith, le prophète Sarasim retardait la prière de Dohr jusqu'à la prière de l'Asr et les priait ensemble. Et lorsqu'il partait après que le soleil ait dépassé le zénith, il priait à Dohr et à l'Asr ensemble, puis partait. Il priait d'abord à Dohr, puis à l'Asr, puis partait. Et lorsqu'il partait avant la prière du Maghrib, il reculait la prière du Maghrib jusqu'à la prier avec l'Isha. Et lorsqu'il partait après le Maghrib, il avançait à l'Isha et la priait avec la prière du Maghrib. Autrement dit, la personne, lorsqu'elle est en voyage, beaucoup se demandent qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que le mieux c'est de rassembler une prière avant ou bien de la retarder? Est-ce que le mieux c'est d'avancer une prière et la prier avec celle qui la précède ou bien de retarder une prière et la prier avec celle qui la suit? Les savants disent, la personne regarde ce qui est le mieux pour elle. La personne regarde ce qui est le mieux pour elle. Si tu es en voyage et que à l'heure de Dohr tu roules, tu es en plein trajet, alors retarde la prière de Dohr jusqu'à la prière de l'Asr, et à l'heure de l'Asr arrête-toi et fais et rassemble les deux prières, la prière de Dohr et la prière de l'Asr, à l'heure de l'Asr. Yannick, la personne voit ce qui l'arrange le plus. وعنه أي عن معاذ بن جابر رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي. Et selon Mu'ad également, il dit qu'ils étaient sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'année de Tabouk, l'année où il y avait la bataille de Tabouk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassemblait entre Dhuhr et l'Asr et entre le Maghrib et l'Isha. Et lorsque l'on lit la parole de Mu'ad, yajma'u bayna al-Dhuhr wa al-Asr ou le Maghrib et l'Isha. Si on dit textuellement, il rassemblait entre Dohr et l'Asr et le Maghrib et l'Isha. Il ne faut pas comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassemblait les quatre en même temps. Mais il en rassemblait deux à l'heure de chacune, à l'heure d'une des deux prières. Autrement dit, il rassemblait à Dohr avec l'Asr et il rassemblait à le Maghrib avec l'Isha. D'accord? Car certains pourraient comprendre qu'il est autorisé de rassembler les quatre prières en même temps. Non. قَالَ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا. Puis Mu'ad ibn Jabal dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retardé la prière un jour, puis est sorti à prier à Dohr et à l'Asr ensemble, puis est rentré, il est ressorti, puis a prié à l'Maghrib et à l'Isha ensemble. Qu'est-ce qu'on déduit de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tout d'abord, de rassembler les prières, ce n'est pas une chose obligatoire. Les savants disent, de rassembler la prière, c'est une chose préférable. Ce n'est pas obligatoire comme le fait de la réduire. Donc de réduire la prière, l'avis le plus sûr c'est que c'est obligatoire, mais de rassembler les prières, al-jam', les savants disent que c'est préférable. Ce n'est pas obligatoire. Qu'est-ce que l'on déduit du hadith de Mu'ad ibn Jabal? Certains savants disent, lorsque tu es en état de voyage et que tu es en route, que tu te déplaces, d'accord ? Alors dans ce cas, il t'est préférable de rassembler tes prières. Tu roules, à l'heure de Dohr, tu es encore en train de rouler, et tu sens encore que tu peux faire plus, donc tu te dis que tu vas rassembler la prière de Dohr à l'heure de l'Asr. D'accord? Là, tu rassembles, pourquoi? Car tu es en trajet. Certains savants disent, lorsque tu stationnes pendant ton voyage, le mieux c'est de ne pas rassembler. Lorsque tu stationnes pendant ton voyage, le mieux c'est de ne pas rassembler. Supposons que tu veuilles faire une pause toute l'après-midi, de l'heure de Dhuhr jusqu'à l'heure de l'Asr. Autrement dit, tu t'es arrêté pendant l'heure de Dhuhr et pendant l'heure de l'Asr. Certains savants disent que le mieux pour toi dans ce cas, c'est de ne pas rassembler, car tu n'en as pas le besoin. Ça, c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Mais l'avis le plus sûr, wallahu a'lam, c'est qu'il est préférable, même lorsque tu es en état de stationnement, de rassembler tes prières. La preuve, c'est le hadith de Mu'ad. Où est la preuve dans le hadith de Mu'ad? Ahsant. Thumma kharaja, thumma dakhal. Dans le hadith de Mu'ad ibn Jabal, les compagnons étaient en voyage. Mais ils ont dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, a prié à Dhuhr et à l'As ensemble, puis est rentré, puis est ressorti et a prié à l'Maghrib et à l'Isha ensemble. Autrement dit, le professeur Hassan, est-ce qu'il était en déplacement? Non, il était en stationnement. Et comment est-ce qu'on sait qu'il était en stationnement? C'est qu'il est rentré et il est sorti. Une personne, lorsqu'elle rentre et lorsqu'elle sort, c'est qu'elle est posée. Elle n'est pas en train de rouler ou en train de se déplacer. Donc l'avis le plus sûr, Allahu A'lam, c'est que lorsque tu es en état de voyage, que tu sois en train de rouler ou que tu sois en état de stationnement, qu'il t'est préférable de faire al-jam, de rassembler tes prières, wallahu a'lam. Thaniyan al-matar, an Nafi, an Abdullah ibn Umar, kana idha jama'a al-umara bayna al-maghrib wal-isha' fi al-matar jama'a ma'ahum. La deuxième cause qui permet à la personne de rassembler ses prières, c'est la pluie. Selon Nafi, il dit que Abdullah ibn Umar, lorsque les émirs rassemblaient la prière de l'Maghrib et de l'Isha, en temps de pluie, ils rassemblaient la prière avec eux. Car au temps des compagnons de radiallahu anhum, qui étaient les imams? C'était les gouverneurs. Au temps des compagnons et même après, ceux qui étaient imams, ceux qui étaient gouverneurs, c'était eux qui présidaient la prière. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était Amirul Mu'mini? C'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était le gouverneur des musulmans. Et c'était lui aussi qui se chargeait de présider la prière. Et Abdullah ibn Umar, lorsque les émirs à son temps, à son époque, lorsque les gouverneurs à son époque rassemblaient les prières de l'Maghrib et de l'Isha en temps de pluie, et qu'il était amené à prier derrière eux, il rassemblait aussi sans les contredire. D'accord? Sans les contredire et sans condamner ce geste de leur part. Non. Là, on parle de rassembler. Lorsque il pleut, il n'est uniquement autorisé de rassembler et non de réduire la prière. وعن هشام بن عروة أن أباه عروة وسعيد بن المسيب وأبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة المخزومي كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في ليلة المطيرة في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك صحيح رواه مالك والألباني في الإرواء. Et selon Hisham ibn Urwa, selon son père Urwa, selon Saïd ibn Musayyab, selon et Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham ibn al-Mughir al-Makhzoumi, qu'ils rassemblaient entre le Maghrib et l'Isha pendant des nuits pluvieuses, ils rassemblaient entre deux prières et personne ne les contredisait et personne ne condamnait ce geste de leur part. وعن موسى بن عقبة ابن عقبة أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر وإن سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير وأبا بكر ابن عبد الرحمن ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك. Et selon Moussa ibn Uqbah, que Omar ibn Abdul Aziz, qui fait partie des tabi'in ou des atba' al-tabi'in? Atba' al-tabi'in. Que Omar ibn Abdul Aziz, rassemblés entre le Maghrib et l'Isha lorsqu'il pleuvait, et que Saïd ibn al-Musayyib et Urwa ibn Zubayr et Abu Bakr ibn Abdurrahman et les chouyoukhs de cette époque, lorsqu'ils priaient avec eux, ils ne condamnaient pas cela. Et tous les noms que j'ai cités, les savants disent, ce sont les fuqaha de Médine. Ce sont tous les savants de Médine. Tous les tabi'in et atba'a tabi'in de Médine. Donc les gens qui connaissaient la religion, qui connaissaient très bien la religion, et lorsqu'ils priaient, qu'ils rassemblaient les prières pendant une nuit pluvieuse ou pendant un jour pluvieux, ils ne condamnaient pas cela. وعن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. وعنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. وهو يشعر أن الجمع للمطر كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع. قاله الألباني. Et selon Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه, il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a prié al-dhuhr et al-asr ensemble, et al-maghrib et al-isha ensemble, sans qu'il n'y ait de peur ni de voyage. Sans peur ni voyage. Non ? Hadith Sani. Il y a deux hadiths. Le premier hadith de Abdullah ibn Abbas, c'est sans peur et sans voyage. Autrement dit, qu'est-ce qu'on en déduit de ce hadith ? Qu'est-ce qu'on en déduit de ce hadith de Ibn Abbas ? Non ? Bidoun et Sabab, sans raison, premièrement, mais on en déduit une deuxième chose. Ahsant. Que la peur, c'est une cause qui permet de rassembler les prières. Car Ibn Abbas a dit, le professeur Hassan n'a pas rassemblé ses prières en état de peur, ni en état de voyage. Autrement dit, de rassembler les prières en état de peur et en état de voyage était une chose qui était connue des compagnons de radiallahu anhum. D'accord ? Puis Abdullah ibn Abbas dit dans un autre hadith, Jama'a, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé entre Dhuhr et l'Asr et entre Al-Maghrib et l'Isha à Médine sans peur ni pluie. Sans peur ni pluie. On en déduit de ce hadith que la peur et la pluie sont des causes qui te permettent de rassembler les prières. Qui te permettent de rassembler les prières. D'où la parole de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit, et l'on comprend de cela, que de rassembler les prières en temps de pluie était connu au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et si cela n'était pas connu, alors pourquoi, alors il n'y aurait pas de bénéfice à dire sans peur ni pluie. D'accord ? Si cela n'était pas connu au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi est-ce que Abdullah ibn Abbas aurait dit sans qu'il n'y ait de pluie ni de peur ? C'est clair ? Taïb. Et certains savants, comme Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, ont dit, il est autorisé aussi de rassembler les prières lorsqu'il y a des vents violents et lorsqu'il y a un froid glacial. Lorsqu'il y a des vents violents et lorsqu'il y a des vents glaciaux. Et des vents forts. Quelle est la preuve de cela ? Le hadith qu'on avait vu la semaine dernière, que normalement il avait fait l'adhan et il avait dit le jour où il faisait froid, il y a eu un vent. Il a dit dans le hadith de Ibn Omar radiallahu anhu, lorsque dans son adhan il a dit as-salatu fi rihal, on en déduit que lorsqu'il pleut, il t'est autorisé de prier chez toi. Est-ce qu'on en déduit où il y a la preuve qu'il est autorisé de rassembler les prières? Vous êtes d'accord? Dans le hadith de Mu'ammar, lorsqu'il parle du froid et de la pluie, il dit As-sal'ala sallou fi rihal, priez chez vous. Il n'a pas dit Ijma'ou bain as-salatayn. Quelle est la preuve? Non? Le hadith où la khawfun wa la matar, c'est connu quand il pleut, souvent il y a des vents, il y a des. Non, les savants ont dit Wama yaqoum maqam al-matar. Yani, pourquoi est-ce que la pluie, pourquoi est-ce qu'il nous est autorisé de rassembler les prières en temps de pluie? Car car c'est gênant de sortir en étant de pluie. C'est gênant. Et lorsqu'il y a de la neige, ce n'est pas gênant. Lorsqu'il y a un vent violent, ce n'est pas gênant. Et l'autre preuve, c'est la parole de Ibn Abbas lorsqu'il a été questionné. Lorsqu'il a dit, justement après ce hadith, lorsqu'il a été questionné, pourquoi est-ce que le prophète Hassan a-t-il rassemblé ses prières sans avoir peur, ni sans qu'il soit en voyage ou sans qu'il n'y ait de pluie? Et Abdullah ibn Abbas a dit, arada an la yuhrija ummata. Il ne veut pas causer de gêne à sa communauté. Donc tout ce qui cause une gêne, eh bien il était autorisé de rassembler. Comme le dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qu'il est autorisé de rassembler lorsqu'il y a un froid glacial et lorsqu'il y a des vents violents, wallahu a'lam. Voilà. Non. Vous pouvez comprendre que de temps en temps il est permis de jema, pardon. Non, pas sans raison. Si on lit le hadith là. Non. Justement, le hadith, il s'arrête à min ghayri khawfin wala matar. L'auteur s'est arrêté à la parole de Abdullah ibn Abbas sans qu'il n'y ait de peur ni de pluie. Mais après, on verra après, dans le quatrième point, Abdullah ibn Abbas a été questionné. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela? Et Abdullah ibn Abbas a dit, arad an la yuhrija ummata, ne veut pas causer de gêne à sa communauté. Les savants l'ont déduit, lorsque la personne éprouve une gêne, alors il lui est autorisé de rassembler. Mais lorsqu'elle éprouve une gêne. Oui, mais une personne pourrait te dire, maintenant, moi quand je suis en travail, je ne peux pas faire ma salat d'or, je peux que la faire. Ça peut très bien être compréhensible qu'une personne dans son travail ne puisse pas occasionnellement faire ses prières à l'heure. Il peut être, par exemple, une personne peut très bien avoir une réunion importante. Une réunion importante, et ce serait pour lui une gêne de faire Ad-Dohr à son heure et Al-Asr à son heure. Et comme c'est une réunion qui est occasionnelle et que ça lui causerait une gêne de faire sa prière, alors il est autorisé de temps en temps de faire Al-Jama'a. Thalithan Al-Hajatul Arida. Ali ibn Abbas قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير فسألت سعيدا لم فعل ذلك؟ فقال سألت ابن عباس كما سألتني، فقال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. وعنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس وما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر ويؤيده ظاهر قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، فلم يعلله بمرض ولا غيره، والله أعلم. Donc la troisième cause qui te permet de rassembler tes prières, c'est le besoin nécessaire. Un besoin nécessaire. Ali ibn Abbas, un besoin occasionnel. Un besoin occasionnel. Ali ibn Abbas, selon Ibn Abbas, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié à Dhuhr et à l'Asr ensemble à Médine, sans peur ni voyage. Abdullah ibn Zubair a dit, j'ai demandé à Saïd, pourquoi a-t-il fait cela? Abu Zubair. Non, Abu Zubair a questionné Saïd, pourquoi a-t-il fait cela? Il a répondu, j'ai demandé à Ibn Abbas comme tu m'as demandé, et il m'a répondu, il ne voulait pas causer de gêne à qui que ce soit de sa communauté. Et selon Abdullah ibn Abbas également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé entre Dhuhr et l'Asr et le Maghrib et l'Isha à Médine sans peur ni pluie. Il a été dit à Ibn Abbas, que voulait-il par cela? Il a répondu, il ne voulait pas causer de gêne à sa communauté. Al-Imam al-Nawawi rahimahullah a dit dans son livre Sharh Sahih Muslim, et l'avis d'une partie des imams et l'autorisation de rassembler les prières en étant résident pour celui qui en a le besoin, à condition qu'il ne prenne pas cela comme une habitude. Et c'est l'avis de Moussirine, de Ashhab parmi les partisans de Malik, et cet avis a été également rapporté par Al-Khattabi selon Al-Qafal et Al-Shaykh Al-Kabir qui fait partie des compagnons de Al-Shafi'i selon Abi Ishaq Al-Marwazi, selon une partie ou un groupe des gens du hadith, et c'est l'avis qu'a choisi Ibn al-Mundhir rahimahullah, et cet avis est soutenu par la parole d'Ibn Abbas radiallahu an, lorsqu'il a dit il ne voulait pas causer de gêne à sa communauté. Il n'a pas dit, il n'a pas restreint cette gêne à une maladie ou autre. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, lorsqu'il a dit arada illa yukhrijahu matah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu par cela ne pas causer de gêne à sa communauté, Abdullah ibn Abbas n'a pas restreint cette gêne. Il n'a pas dit si la personne est malade. Il a dit lorsque la personne en éprouve le besoin. D'accord ? Donc cette gêne, elle est générale. À partir du moment où tu éprouves une gêne, alors il t'est autorisé de rassembler tes prières à condition de ne pas prendre cela comme une habitude. Pourquoi de ne pas prendre cela comme une habitude ? Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran que la prière est pour les croyants prescrite et à des heures bien définies. Elle est prescrite et à des heures bien définies. Ensuite, le besoin, tout dépend des situations de chacun. Ça peut être par exemple un chirurgien qui doit faire une opération très longue, et cette opération, elle tombe pendant l'horaire de deux prières. Il lui est autorisé de rassembler ces deux prières, car il en éprouve le besoin, etc., etc. À partir du moment où tu éprouves une gêne et un besoin, et que ce besoin est occasionnel, et que tu es résident, que tu n'es pas voyageur, il t'est autorisé de rassembler tes prières occasionnellement. Wallahu a'lam. Il y avait une question qui avait été posée la semaine dernière, il y a deux semaines. Un frère qui avait posé la question. Une personne qui est résidente, à l'heure de, elle part en voyage à l'heure de Dohor et n'a pas prié de Dohor. Elle part en voyage, en état de voyage. Cette prière de Dohor, comment est-ce qu'il doit la prier? Est-ce qu'il doit la compléter ou est-ce qu'il doit la prier réduite? Sachant qu'il est parti d'ici en étant résident et à l'heure de la prière. Vous voulez un exemple? Une personne qui part à l'heure de Dohor. L'heure de Dohor, on va dire que c'est à 2h. L'heure commence à 2h. Une personne a été excusée, ne s'est pas rendue à la mosquée. Elle part en voyage, n'a pas prié Dohor. Elle part en voyage, elle se dit je vais prier Dohor lorsque je serai sur la route. À l'heure de l'Asr, il est en plein voyage. Il veut rassembler ses deux prières. Est-ce qu'il a le droit de raccourcir la prière de Dohr, sachant qu'il est parti à l'heure de Dohr en étant résident? Non. Oui, il est toujours dans son nom. On a dit qu'il est à l'heure de l'Asr. Là, il est en voyage, il s'est arrêté à l'heure de l'Asr. Il y a juste de faire le jam, d'accord, mais moi je te parle de qasr, je parle de la réduction. Parce qu'il a le droit de faire Dohor avec le qasr. Non, les savants disent que cela est autorisé. Il est autorisé lorsque tu pars à l'heure d'une prière que tu n'as pas faite et que tu ne l'accomplis qu'en état de voyage, il t'est autorisé de la raccourcir. Comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Mais Cheikh Ibn Uthaymin dit aussi une autre chose, c'est qu'une personne qui est résidente, qui avait l'intention de prier sa prière en étant résident, mais l'a oublié. Puis voyage, et se rappelle en état de voyage qu'il n'a pas prié cette prière. Il reste sur sa niya. Une personne qui, à l'heure de Dohr, n'a pas pu se rendre à la mosquée. Il est excusé, il y a une raison valable parmi celles que l'on a citées. Il avait l'intention de prier Dohor en étant résident, puis de prendre la route du voyage. Mais il a oublié. Et il s'en est rendu compte que lorsqu'il était en voyage. Là, le Cheikh Ibn Uthaymin dit il doit prier à Dhuhr combien 4 rak'at. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha. Celui qui dort pendant une prière ou qui l'oublie, qu'il la prie. C'est-à-dire qu'il prie cette prière qu'il a oubliée. C'est-à-dire qu'il la prie comme il devait la prier. Qu'il la prie comme il devait la prier, c'est-à-dire complète. Car il était résident. Donc cette prière, il devait la faire complète. Ça, c'est pour celui qui a oublié. Mais pour celui qui avait l'intention, déjà en partant, avant de partir, de faire Dhuhr et de la rassembler avec Al-Asr et de les raccourcir, alors il lui est autorisé de raccourcir. D'accord ? Non. Et dans le cas contraire, ça marche ? Dans le cas contraire, c'est-à-dire ? Un voyageur qui rentre chez lui. Non. Pareil. Pareil. Cheikh Ibn Uthaymin dit la même chose. Celui qui était en voyage, qui avait l'intention de prier une prière en état de voyageur, et qu'il a oublié, qu'il s'en est rappelé qu'en étant résident, ici, il dit, il doit aussi prier la prière raccourcie. Car il applique le même hadith, فَلْيُصَلِّهَا, qu'il l'a pris, c'est-à-dire comme. كم يلدي في الأبخي والله أعلم ونبتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.